Vous êtes déjà, d'ailleurs, sur le chemin de l'hôpital. Tenez, depuis que je n'ai mis les pieds chez vous, vous n'avez pas pu renouveler le meuble de votre salon. Le mot « gêne » est vomi par toutes les lézardes de ces étoffes. Quel est le gendre qui ne sortira pas épouvanté des preuves mal déguisées de la plus horrible des misères, celle des gens comme il faut? J'ai été boutiquier, je m'y connais. Il n'y a rien de tel que le coup d'œil du marchand de Paris pour savoir découvrir la richesse réelle et la richesse apparente. « Vous êtes sans le sou, » dit-il à voix basse. « Cela se voit en tout, même sur l'habit de votre domestique. Voulez-vous que je vous révèle d'affreux mystères qui vous sont cachés ?»« Monsieur, » dit Madame Hulot qui pleurait à mouiller son mouchoir, « assez, assez !» Eh bien, mon gendre donne de l'argent à son père, et voilà ce que je voulais vous dire en débutant sur le train de votre fils. Mais je veille aux intérêts de ma fille, soyez tranquille. Oh, marier ma fille et mourir, dit la malheureuse femme qui perdit la tête. Eh bien, en voici le moyen, reprit Crevel. Madame Hulot regarda Crevel avec un air d'espérance qui changea si rapidement sa physionomie que ce seul mouvement aurait dû attendrir Crevel et lui faire abandonner son projet ridicule. Vous serez belle encore 10 ans, reprit Crevel en position. Ayez les bontés pour moi, et mademoiselle Hortense est mariée. Hulot m'a donné le droit, comme je vous disais, de poser le marché tout crûment, et il ne se fâchera pas. Depuis 3 ans, j'ai fait valoir mes capitaux, car mes fraudaines ont été restreintes. J'ai 300 000 francs de gains en dehors de ma fortune, ils sont à vous.